بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc notre cours numéro 29 aujourd'hui dans Sharh Usul al-Iman. Et on est toujours dans le chapitre de Al-Iman, Bab al-Iman, avec l'explication des versets, hein, des quatre versets qu'on a lus à l'introduction. Donc on continue dans cette explication-là. Au dernier cours, on a expliqué certains aspects en ce qui concerne la définition du qadar. J'ai dit quoi au début? Al-Iman bil qadar, c'est ce que j'ai dit. Donc les versets qui parlent de al-qadar, donc la foi en la prédestination et le décret divin. Et donc on continue maintenant avec l'explication. Cheikh al-Fawzan, il dit: wa fa'idatu al-Iman bil qadar wal qadar ma'nahu as-sabr 'ala al-masa'ib wa 'adam al-jaza'. Wa li hadha qala ta'ala: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والحكمة في ذلك ممتثلة في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذه هي الحكمة في ذلك، وهي أن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من مصائب إنما هو في كتاب في اللوح المحفوظ، لأجل أن لا يجزع الإنسان بل يصبر ويحتسب. هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر، وليس معناه ترك العمل وتعطيله، وليس معناه يعني ترك العمل وتعطيله. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه هي فائدة الإيمان بالقضاء والقدر المبنية على الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط. D'accord, on va traduire le passage qu'on vient de lire. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: le bienfait dans le fait de croire en la prédestination et en le décret divin, ça signifie donc que c'est quelque chose qui va nous aider à être plus endurant et à être patient face aux malheurs qui nous touchent et à ne pas se plaindre, hein, de qu'est-ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 22 dans Sourate Al-Hadid: il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre ni en vous-même, excepté que c'est déjà dans un livre avant de l'avoir créé. C'est-à-dire avant d'avoir créé la création. Tout ce qui arrive sur terre, hein, ça a été écrit avant même que Allah Azza wa Jal ait créé les cieux et la terre. Et Allah Azza wa Jal, il dit: cela est certes facile pour Allah. Et la sagesse, hein, de cet élément de la foi, il est mentionné dans la suite du verset 22 dans Sourate Al-Hadid. Et c'est dans le verset 23, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Pour que vous ne soyez pas triste, vous ne soyez pas désolé de ce que vous avez manqué, ou de ce qui vous a manqué. Hein, si vous avez raté quelque chose, ou manqué une opportunité, ou quelque chose, une occasion. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Et que vous n'allez pas vous exulter ou exagérer dans la réjouissance de qu'est-ce que vous avez obtenu de ce que Allah vous a prédestiné. Hein? Parce que les kuffars, souvent c'est comme ça. S'ils manquent quelque chose, ou s'il y a quelque chose qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas réussi à obtenir, ils vont s'énerver, se fâcher, hein? Ils vont commencer à critiquer, même des fois ils vont accuser Allah Azza wa Jal et insulter Allah Azza wa Jal, ou insulter le temps, ou insulter les étoiles, ou insulter la création. Et si ils obtiennent quelque chose de bon, ils se remplissent de joie, mais avec beaucoup d'orgueil et d'arrogance. Et ils ne sont pas reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Donc, la sagesse pour le musulman, pour le croyant, de croire en la prédestination, c'est comme Allah Azza wa Jal, il nous le dit, c'est que tout ce qui arrive comme malheur, ça fait partie de ce qui est écrit dans la table préservée. Hein? Et donc, lorsque le musulman, il croit en ça avec conviction, eh bien, ça l'amène à ne pas se plaindre de ce qui lui arrive comme malheur et à faire preuve d'endurance et à se retenir hein, de se plaindre ou de crier au désespoir. Et il espère la récompense d'Allah dans cette patience. Il espère avoir une récompense d'Allah en faisant preuve de patience dans ces épreuves-là. Et ça, c'est parmi les sagesses qui existent dans la foi en la prédestination et en le décret divin. Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a expliqué au dernier cours, qu'on doit délaisser les œuvres et les actions et puis s'en remettre uniquement à la prédestination en disant « De toute façon, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit puisque tout est écrit. Donc, si je vais au paradis ou en enfer, c'est déjà écrit, donc je ne vais rien faire. Je vais m'asseoir et je vais attendre mon décret. Hein? » On a expliqué au dernier cours que ce n'est pas ça qui est l'attitude correcte. Plutôt, chacun doit faire les œuvres hein? Et Allah va lui faciliter ce qui a été prédestiné pour lui. Et si tu fais les efforts pour faire du bien, tu auras la récompense pour le bien. Et si tu fais le mal, tu auras les récompenses pour le mal. Parce que la guidance, elle a des causes et l'égarement a des causes. Donc quand tu fais les causes pour être guidé, Allah te guide. Et quand tu fais les causes pour être égaré, Allah t'égare. D'accord? Et aussi, le cheikh, il explique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité justement à faire des efforts et à travailler pour avoir ce qui est bon pour nous dans un hadith hein? Et ce hadith il est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, c'est-à-dire fais des efforts hein? Fais des efforts pour obtenir ce qui est bénéfique pour toi. Et il dit wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ista'in billah, c'est-à-dire demande l'aide d'Allah et c'est-à-dire, ne te décourage pas. Hein, ne te laisse pas décourager. Donc, s'il y a quelque chose, un malheur quelconque qui t'atteint, ne dis pas, oh, si j'avais fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Hein, ou si j'aurais fait ça, ce serait ça. Non. Parce que du moment que tu commences à dire si, ça ouvre la porte du shaitan. Mais dis plutôt, Allah a prédestiné et il a fait ce qu'il veut. Hein? Parce que si tu dis si, ça ouvre la porte au shaitan. Hein? Et de toute façon, c'est inutile. Tu ne peux rien changer de qu'est-ce qui s'est produit déjà dans le passé. Hein? Tu dis, ah, j'aurais pas dû tourner à gauche, j'aurais dû tourner à droite. Pourquoi j'ai tourné à gauche? C'était prédestiné. C'était prédestiné que tu allais tourner de cette direction-là. Donc, essaie juste de voir à l'avenir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour éviter ce genre de problème ou ce genre d'erreur. Plutôt que d'essayer de revenir en arrière pour changer qu'est-ce qui a déjà été fait. Parce que tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas retourner en arrière. Ce qui a été fait, il a été fait. Hein? Donc c'est ça le bienfait qu'il y a dans la foi en la prédestination et en le décret divin qui est basé sur le fait de faire preuve d'endurance et de patience et en même temps de chercher dans cette patience la récompense d'Allah hein, et de ne pas te plaindre hein, et de ne pas te décourager ou te mettre en colère face à ce qui a été prédestiné. D'accord. Et le cheikh il dit al-iman bil qada wal qadar dalla fihi ta'ifatan. Ta'ifatu al-jabriyya wa ta'ifatu al-qadariyya min al-mu'tazila. Fal-jabriyya ghalat fi ithbat al-qadar wa nafat af'al al-ibad wa qalat innama hadhihi af'al Allah wa qada'uhu. Wal-'abd innama huwa majburun kal-ala aw kal-risha yuharrikuha al-hawa. تعالى الله عما يقولون فالزنا والسرقة وظلم العباد وشرب الخمر إنما هو أو إنما هي أفعال أفعال الله جل وعلا وليست أفعال العبيد. وكفى بهذا القول شناعة وكفرا. وأما القدرية فكانت في مقالة الجبرية فكانت في مقابلة الجبرية، فغلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، وقالوا إن الإنسان حر حرية كاملة ليس لها تعلق بقضاء الله وقدره، فهو الذي يخلق فعل نفسه ولم يخلقه الله، وليس له سبحانه تدخل في أفعال العباد، وهو في ذلك كانوا على النقيض من الجبرية، وهم في ذلك كانوا على النقيض من الجبرية الذي غلوا في إثبات القضاء والقدر ونافوا أفعال العباد، وهؤلاء القدرية كانوا على العكس فقد غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، ولذلك يسمون بالقدرية لأنهم نفوا القدر، فهؤلاء لا يؤمنون بالقضاء والقدر، وهم بذلك جحدوا الركن السادس من أركان الإسلام. Okay, donc ici le cheikh il explique quelque chose dont on a parlé déjà dans les cours précédents, c'est que parmi les gens qui ont dévié en ce qui concerne le décret divin et la prédestination, il y a deux groupes extrêmes, les Jabriya et les Qadariya. Les Qadariya, c'est les Mu'tazila. Et les Jabriya, bon, on a dit c'est les Jahmiya, c'est les Soufiya, et d'autres groupes de ces tendances-là. Les Jabriya, on a expliqué déjà au dernier cours que c'est des gens qui ont exagéré dans l'affirmation du Qadar et dans la négation des actes des serviteurs. Et donc, eux, ils disent que tout ce qui est fait par les hommes, c'est uniquement les actions d'Allah et son décret. Ça veut dire que le serviteur, tout ce qu'il fait, c'est par contrainte, c'est la force, c'est Allah qui le force à faire tout ce qu'il fait, comme le marteau dans la main de celui qui frappe avec un clou. Donc si le marteau, il frappe le clou, est-ce que tu dis c'est celui qui tient le marteau qui frappe le clou ou c'est le marteau qui frappe le clou? C'est celui qui tient le marteau qui frappe le clou. Si je prends un bâton et je te frappe sur la tête, est-ce que je dis c'est pas moi qui t'a frappé, c'est le bâton qui t'a frappé? Mais c'est, les Jabriya, c'est comme ça. Quand ils font un péché, ils disent c'est Allah qui m'a fait faire le péché, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas de ma faute. C'est Allah, je suis contrôlé par Allah. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui l'a destiné pour moi. Donc ça veut dire que je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de contrôle. C'est Allah qui me contrôle. Comme une plume dans le vent. Comme un robot qui est programmé pour faire certaines actions. Le robot, il ne peut pas sortir de son programme. Eh bien, eux, ils disent que l'être humain, c'est comme ça. Il n'a pas de contrôle. C'est comme s'il est forcé de faire ce qu'il fait. Et le cheikh, il dit, ta'ala Allahu amma yaqulun, que Allah soit exalté de ce que ces gens-là disent. Donc, il dit, par exemple, celui qui fait le zina, ou qui vole, ou qui fait de l'injustice, ou qui boit de l'alcool, il dit, ça, c'est les actes que Allah lui fait faire. C'est pas ses actions à lui. Et donc, il dit, ça, c'est suffisant comme parole de kufr. En réalité, c'est de l'égarement, c'est de la mécréance de penser ça. Des gens qui tuent, qui font toutes sortes d'injustices, qui font du mal, qui font du haram. Et puis après, tu leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais ça, c'est Allah qui me fait faire ça. C'est pas moi. A'udhu billah. Comme si t'es une marionnette. Comme si c'était des marionnettes qui n'ont aucun contrôle de qu'est-ce qu'ils font. Et l'autre extrême, c'est les Qadariya. Et les Qadariya, eux, c'est l'opposé des Jabriya. D'accord? Eux, les Jabriya, ils ont exagéré dans, on a dit, l'affirmation du Qadar et la négation des actions des serviteurs. Les Qadariya, c'est le contraire. Ils ont exagéré dans l'affirmation des actes des serviteurs et ils ont nié le décret et la prédestination. Alors ils disent que l'être humain, il est totalement libre et que les actes qu'il fait, les actes que les êtres humains font, n'ont rien à voir avec le décret divin ni la prédestination. C'est l'être humain qui crée ses propres œuvres. Hein? Allah ne crée rien. Et yani, Allah Azza wa Jal n'entre pas en quoi que ce soit dans les actes des serviteurs et des êtres humains. Donc, ils sont à l'opposé des Jabriya, hein, qui eux ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination et du décret et dans la négation des actions des serviteurs. Et donc, c'est pour ça que les Qadariya ont dit qu'ils sont le contraire des Jabriya. Ils ont exagéré dans l'affirmation des actions des serviteurs et dans la négation du Qadar. Et on les appelle Qadariya à cause de la négation du Qadar. Et ça, en même temps, c'est important de comprendre que les noms que les ulama ont donnés aux gens de l'égarement qui ont développé ou qui ont amené des différentes sectes ou des égarements, et que par rapport aux Qadariya, les premiers qui sont arrivés avec cette idée-là, c'était des gens qui venaient du christianisme. C'était des gens convertis du christianisme. On dit, parmi les premiers, il y avait Raylan al-Dimashqi. Raylan al-Dimashqi. Et aussi Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ces gens-là, ils sont arrivés vers la période des Tabi'in, à la fin de la vie des Sahaba. Et il y avait encore quelques jeunes parmi les Sahaba qui étaient encore en vie, comme Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Abbas. Et c'est justement dans Sahih Muslim, quand tu vois le hadith que Abdullah ibn Umar a rapporté au sujet de ça, deux parmi les tabi'in étaient venus à Mecca pour faire le hajj, hein, et en même temps profiter pour rencontrer un d'entre les sahaba qui était encore en vie, pour poser la question justement au sujet de ces gens-là qui nient le qadar. Et ils ont eu l'occasion de rencontrer Abdullah ibn Omar. Hein? Et donc, ils lui ont posé la question. Il y a vers chez nous des gens qui prétendent chercher la science et ils nient le qadar. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis à leur sujet? Et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar, il dit, dis-leur que je me désavoue d'eux. Ils n'ont rien à voir avec moi et moi, je n'ai rien à voir avec eux. Et que Allah ne va rien accepter d'eux. Hein? Même la montagne de Uhud en or, il ne va pas accepter d'eux tant qu'ils n'ont pas affirmé le Qadar. En voulant dire que ces gens-là, s'ils ne croient pas au Qadar, ils ne sont pas des musulmans. Hein? Et donc, ça c'est pour dire que les Qadariya, c'est ceux-là qui sont apparus à cette époque-là, et les salafs, déjà ils les ont réfutés à l'époque. Hein? Et c'est comme aujourd'hui, par exemple, on entend des groupes ou des sectes qui existent, qu'on dit par exemple les djihadiyya, hein, al-djihadiyya ou al-djihadiyoun, les djihadistes. Et il y a des musulmans qui s'opposent à cette appellation-là. Ils disent non, pourquoi vous les appelez djihadi? Hein, il ne faut pas les appeler djihadi parce que djihad, ça fait partie de l'islam. Ok, pourquoi on appelle dans ce cas-là les qadariyya, qadariyya? Le qadar, ça fait partie de l'islam aussi. Pourquoi les ulama les ont appelés qadariyya? Hein? Parce qu'ils nient le qadar. Pourquoi on appelle les takfiriyin takfiriyin? Alors que le takfir, ça fait partie de l'islam. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'islam? C'est de faire le takfir avec ignorance et de faire le takfir de ceux que Allah n'a pas déclaré comme étant kuffar ni son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est l'exagération dans le takfir, ou de faire le takfir sans science et sans principe, sans règles. Ça, c'est le takfir des gens de bid'a, le takfir des khawarij. Mais le takfir qui est en accord avec le Coran et la Sunna et qui est fait selon les règles et les principes de l'islam, ça fait partie de l'islam. Donc, pourquoi on les appelle des takfiriyin? C'est pour dire que c'est des gens qui ont exagéré dans le takfir. Et la même chose aussi, yani, pour le djihad, quand on dit les djihadines, c'est les gens qui ont exagéré dans le djihad, qui ont fait le djihad ou qui appellent au djihad sans respecter les règles et les conditions du djihad. D'accord? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, quand on dit par exemple « al-aqlaniyoun ». Al-Aqlaniyoun. C'est-à-dire les rationalistes, les gens qui utilisent la raison. Est-ce que ça veut dire que la raison, c'est quelque chose qui est mauvais ou que c'est quelque chose contraire à l'islam? Non. Mais quand quelqu'un, il exagère dans l'aql, hein, dans la raison, et qu'il veut mettre son aql au-dessus de la révélation dans la religion, là, ça tombe dans l'extrémisme, dans l'exagération. Hein? Donc, il faut comprendre, quand les ulama, ils ont utilisé ces appellations-là, c'est dans ce sens-là. Quand des gens exagèrent dans quelque chose, ils les qualifient par le nom qui désigne cette exagération-là. Ça ne veut pas dire que on est en train de dire que cette chose ou cette appellation-là est à la base est contraire à l'islam. D'accord? Donc, à chaque fois, je me rappelle, j'avais écrit des messages sur les réseaux sociaux, des fois sur Twitter ou des choses comme ça, pour mettre en garde contre les djihadiens. Et j'explique que c'est des khawarij, des takfiriens, hein, et des gens de bid'a. Et eux, ils disent, non, il ne faut pas dire djihadi parce que le djihad, ça fait partie de l'islam. Non, même si ça fait partie de l'islam, c'est les gens qui, ça désigne les gens qui exagèrent dans le djihad, qui font pas le djihad selon le Coran et la sunna, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, mais c'est des gens qui ont inventé d'autres règles, hein, et qui suivent la voie des khawarij et qui prétendent faire le djihad. D'accord? Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc ces gens, pour revenir avec le qadar, les qadariyas, c'est les gens qui nient le qadar. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas cru en al-qadar ou al-qadar. Et par conséquent, ils ont renié le sixième pilier parmi les piliers de la foi, hein, en islam. Et aussi parmi les qadariyas, on dit que ce sont les mu'tazilas. Parce que les mu'tazilas, c'est un de leurs cinq principes, la négation du qadar. Ils appellent ça al-adl. Eux, ils appellent ça la justice. La négation du qadar, ils l'appellent justice. Et il y a aussi parmi les qadariyas, les rafidas, les shi'as, rafidas. Toutes les sectes des shi'as, y compris les rafidas, qui est la plus grande parmi les sectes des shi'as, et une des plus extrêmes parmi les égarés des shi'as, ils nient le qadar. Ils nient le qadar. D'accord? C'est la négation du qadar. Non, c'est-à-dire que pour les Mu'tazila, le terme, la négation du qadar, il l'appelle adl. C'est ça que je veux dire. Mais dans la langue arabe, l'adl, ça veut dire la justice, même pour eux. Mais ils pensent que la justice, c'est de nier le qadar. Parce que pour eux, le qadar, c'est l'injustice. Non, c'est pas ça. Ta question est compliquée en fait. En même temps, elle est simple, puis en même temps, elle est compliquée. Moi, qu'est-ce que je t'explique? C'est que les qadariyas, ils nient le qadar. Et donc, les qadariyas, parmi les qadariyas, il y a les mu'tazilas. Eux, ils ont cinq principes. C'est quoi les cinq principes des mu'tazilas? Le premier, c'est le tawhid. Mais pour eux, le tawhid, c'est quoi? C'est quoi le tawhid des mu'tazilas? C'est la rububia, et ça implique quoi? De nier les noms, de nier les attributs d'Allah. Donc le tawhid des mu'tazila, c'est la négation des attributs d'Allah. Et l'adl, qui signifie pour eux la négation du qadar. Aussi, al-manzila bayn al-manzilatayn, le degré entre les deux degrés. Et ça veut dire pour eux que si quelqu'un, il fait des péchés parmi les kaba'ir, il n'est pas musulman et il n'est pas kafir. Il est entre les deux. Et dans l'akhira, ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la aqida des mu'tazila. Ça, la bid'a des mu'tazila. Et un autre parmi leurs principes, c'est al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar, qui implique al-khuruj 'ala al-hakim al-zalim, de se rebeller contre le dirigeant injuste. Ça c'est pour eux, ça c'est al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hein? Et al-'adl. Al-'adl c'est la négation du qadar. Ça fait 5. Ça fait 4. Le tawhid, al-manzila bayna al-manzilatayn, al-'adl, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar et يعني qu'est-ce qu'ils appellent al-wa'id, yani al-wa'id c'est comme si en voulant dire que si quelqu'un il fait des grands péchés, il faut que la menace soit appliquée. Ça veut dire qu'il doit aller en enfer pour l'éternité. C'est, je pense que c'est ça les cinq. À la kulli hal, il faut comprendre que les gens de bid'ah, de façon générale, ils ont leur propre définition pour les termes de l'islam. C'est pour ça que des fois, tu vas parler avec des mubtadi'ah, que ce soit des soufis, que ce soit des hizbiyin, que ce soit des takfiriyin ou des khawarij, ou bien que ce soit avec des mu'tazila, ou bien des jabriya ou des jahmiya. Toi, tu parles de l'islam, tu utilises les termes et tu comprends les définitions selon le Coran et la Sunna. Sauf que eux, pour ces termes-là, ils ont d'autres définitions qu'ils ont développées selon leur raison, selon des définitions linguistiques ou selon leur passion. Et donc, toi, tu dis la même chose, mais tu ne veux pas dire la même chose. Parce que tu te réfères à la définition du Coran et de la Sunna sur ces termes-là, pas eux. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important, avant toute discussion et dans toute argumentation ou une discussion que tu as avec des gens, toujours commencer par les définitions, tout le temps. Et ça, c'est une chose que tu vas constater parmi les ulama de Ahl Sunna lorsqu'ils font un livre sur un sujet. Ils commencent toujours par les définitions. Définitions linguistiques, définitions religieuses. Pourquoi? Pour qu'on s'entende en partant sur qu'est-ce qu'on est en train de dire. Parce que si on n'est pas d'accord sur les définitions, on va parler pour rien, on va perdre son temps. Toi, tu dis un terme, tu veux dire quelque chose. L'autre, il dit un terme, il veut dire autre chose. Et le pire, c'est quand tu discutes avec des gens qui parlent avec des termes et qui ont des définitions changeantes au fur et à mesure que tu parles avec eux. C'est-à-dire, ils utilisent des termes qui sont ambigus, qui peuvent avoir plusieurs significations, qui peuvent vouloir dire une chose et une autre en même temps. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué avec ces gens-là, parce que, justement, ils font exprès d'utiliser des termes ambigus, justement pour pouvoir jouer avec les mots et jouer avec les principes et déformer la réalité. Hein? Al-mutashabihat. Et les ulama, ils appellent ça al-alfaz al-mujmala. Al-alfaz al-mujmala. Et les ulama, ils mettent en garde justement contre l'utilisation des termes qui sont mujmal de cette façon, pour éviter justement les déformations et de jouer avec la religion. Ensuite, le cheikh, il continue, cheikh Al-Fawzan, il dit « Wa amma ahlus sunnati wal jama'a faqad tawassatu ka'adatihim » كعادتهم أنهم وسط في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء فقد أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد ولا تناقض بينهما فالله جل وعلا قضى وقدره والعبد يفعل باختياره وإرادته ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره وهذا هو موجب الكتاب والسنة وهو المذهب الوسط والعدل المتمشي مع الأدلة وهذا حاصل الخلاف في مسألة القضاء والقدر وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني في القضاء والقدر حيث إن الله قدر لهم الجنة والنجاة من النار أولئك عنها مبعدون أي عن النار مبعدون ثم قال لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهذا فيه إثبات القضاء والقدر. فمعنى قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي قدرنا لهم ذلك، فهم عملوا ما يسبب لهم دخول الجنة فأبعدهم الله من النار. سبحان الله. Donc le cheikh il explique que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, eux, sont dans le juste milieu, hein, comme à leur habitude, entre les groupes d'égarement et les sectes. Ils sont toujours dans le juste milieu entre les deux extrêmes, entre l'extrémisme et l'exagération et le laxisme. Et c'est pour ça que, à propos du qadar, les ulama de Ahl al-Sunnah, ils affirment la prédestination et le décret, et en même temps, ils affirment aussi les actes des serviteurs. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer les deux. Parce que Allah Azza wa Jal a décrété et a prédestiné, et le serviteur fait selon sa volonté et selon son choix. Hein, selon son choix. Sauf que, peu importe qu'est-ce qu'il décide et qu'est-ce qu'il veut, il ne sortira jamais de ce que Allah a décrété et prédestiné. Et ça, c'est ce qui est établi par le Coran et la Sunna. Et c'est la voie intermédiaire, c'est-à-dire juste dans le juste milieu, et la voie juste, qui est en accord avec les textes et les preuves de la révélation. Et donc, pour résumer, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec la divergence qui existe au sujet du qada ou al-qadar entre les gens de la vérité, les gens de la sunna, et les gens de bid'a, parmi les gens de l'égarement. Ensuite, le cheikh, il mentionne des versets dans le Coran qui affirment la prédestination sur différents éléments. Et il mentionne par exemple le verset 101 dans Sourate Al-Anbiya. Et dans ce verset-là, on va lire ensemble. C'est un des versets qui est vraiment beau. Tous les versets sont beaux, mais il y a des versets qui sont plus touchants que d'autres. Et moi, ce verset-là, je l'aime beaucoup, sa façon, comment Allah Azza wa Jal, il explique la chose ici. Il dit « Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna » Ce qui signifie et il pousse le verset 101 ce qui signifie ceux à qui on avait précédemment promis la plus belle récompense, c'est-à-dire le paradis de notre part, ceux-là en seront écartés. Hein? Écartés de quoi? Écartés de l'enfer. Et ensuite, il dit dans le verset suivant, verset 102, ils n'entendront pas son sifflement, c'est-à-dire le sifflement de l'enfer, et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La yasma'una hasisaha. Ils vont pas entendre le bruit de l'enfer, son sifflement. Wahum fi mashtahat, c'est-à-dire ce que leur cœur, ce que leur âme désire, ils vont rester dans ce que leur âme désire éternellement. Et ensuite, dans le verset 103, la yahzunuhum al-faza'u al-akbar. La yahzunuhum, ça veut dire ils ne seront pas affligés, ils ne seront pas attristés. Yani par la grande frayeur. Hein? Par la grande frayeur. Et donc ici, le cheikh dit ça, dans ce verset, il y a l'affirmation du qadar lorsque Allah Azza wa Jal, il dit « Al-inna alladhina sabaqat lana minna al-husna » C'est-à-dire ceux qui ont été promis précédemment, c'est-à-dire ceux pour qui c'était prédestiné qu'ils entrent au paradis, parce qu'ils ont fait les causes qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir entrer au paradis. Et donc, par conséquent, Allah Azza wa Jal, il les éloigne de l'enfer. Et le cheikh, il dit, « Wa sababu nuzuli hadhihi l'aya, anna Allah Jalla wa Ala lamma qala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, antum laha waridun. » لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سمع المشركون لما سمع المشركون هذه الآية قالوا نحن يعني نعبد أناسا صالحين، فإذا كانوا معنا في النار فإن الأمر يهون علينا، يعني هم ينتقدون كلام الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما يعبدون من دون الله ملائكة ورسلا مثل عيسى عليه السلام، فكيف يكونون في النار؟ فأنزل الله هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهم الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون، هؤلاء لا تتناولهم هذه الآية، فهو تخصيص بعد عموم. لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعري فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى المسيح عيسى ابن مريم، فهل هؤلاء معنا في النار؟ وغرض المشركين من هذا انتقاد كلام الله، ولهذا قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنه من المعروف أن عيسى ابن مريم والصالحين لا يدخلون النار، لأن الله تكفل بأن يدخلهم الجنة وهم يعرفون هذا، ولكنهم من باب المغالطة يقولون ذلك، ولهذا قال تعالى: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقد رد الله جل وعلا عليهم بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كعيسى عليه السلام وعزير ومن عبد من دون الله من عباد الله الصالحين، هؤلاء مستثنون من دخول جهنم. والشاهد من الآية قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وهذا فيه إثبات القضاء والقدر. نعم، donc attendez juste un instant. Ouais. Donc c'est le premier parmi les quatre versets justement que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans son introduction. Et par rapport à ce verset, donc le cheikh il explique que donc, comme on l'a commencé à l'expliquer, il dit la raison de la révélation de ce verset-là, ou la cause de la révélation de ce verset, quand Allah Azza wa Jal, il a dit dans les versets 98, c'est-à-dire avant ce verset-là, il dit ce qui signifie: vous serez vous et ceux que vous adorez, c'est-à-dire vous les mushrikoun, ceux qui adorez des idoles ou d'autres avec Allah, vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, c'est-à-dire ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. Donc, quand les mushrikoun ont entendu ce verset-là, vous savez, les mushrikoun, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même aujourd'hui, et même avant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui aiment ça, argumenter pour débattre. Même s'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils vont juste argumenter pour argumenter. D'accord? Même s'ils savent que ce qu'ils disent, c'est totalement faux. Alors, ils disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: nous, ce qu'on adore, Hein? Il y a des, parmi les personnes et les êtres qu'on adore en dehors d'Allah, il y a des hommes pieux. Hein? Et il y a des prophètes, il y a des anges. Est-ce que vous allez dire qu'ils sont dans l'enfer eux aussi? Donc si eux ils sont dans l'enfer, dans ce cas-là, ça ne nous dérange pas nous aussi d'être dans l'enfer avec eux. Hein? Donc ils sont en train d'essayer de critiquer la parole d'Allah. Hein? Parce qu'ils disent, parmi les choses qu'on adore en dehors d'Allah, il y a les anges, il y a les messagers, il y a Isa, Jésus. Hein? Est-ce qu'eux aussi vont être dans l'enfer? Hein? Parce que le verset dit, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ça implique que si des gens ont adoré des prophètes en dehors d'Allah, ça c'est du shirk. Sauf que, est-ce que les prophètes vont être punis parce que des gens les ont adorés en dehors d'Allah alors que eux, ils ont été contre? Alors Allah Azzawajal, il a révélé ce verset, hein, ceux pour qui précédemment Allah avait prescrit ou promis de notre part le paradis, Al-Husna, eh bien eux ils vont être éloignés de l'enfer, c'est-à-dire les anges, les prophètes, les messagers, les hommes pieux, eux ils ne sont pas touchés par ce verset-là, la menace qui est dans le verset précédent. Et donc, c'est pour restreindre ou spécifier que ceux-là sont exclus du sens général de ce verset-là. Il dit, « وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ » Lorsque ce verset-là a été révélé, eh bien, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous, on adore les anges, hein, les mushrikoun. Et il dit, les juifs, eux, ils adorent Uzair. Et les chrétiens, ils adorent Isa, Ibn Maryam. Est-ce qu'eux, ils vont être avec nous en enfer? Hein? Et ça c'est mentionné dans le tafsir de At-Tabari et dans le tafsir d'Ibn Kathir. Donc l'objectif des mushrikines quand ils disent ça, c'est de critiquer la parole d'Allah. C'est un peu aussi comme dans le verset 57 et 58 dans Surat Az-Zukhruf à propos de Isa, lorsqu'ils parlent de Isa ibn Maryam, ils essaient de lancer des shubuhat, hein, pour essayer de justifier leur égarement. Hein, et de réfuter la parole d'Allah. Ils essaient de réfuter ce que Allah dit. Alors, ils disent par exemple, comme Allah Azza wa Jal, il mentionne leurs paroles dans le Coran, versets 57 et 58. Il dit, « Et quand on leur cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne en disant, « Nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Hein? » Il dit, ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens disputeurs, hein, qui veulent argumenter et débattre. C'est comme les gens qui veulent toujours philosopher avec tout. N'importe quoi, tu leur ramènes quelque chose dans le Coran ou dans la Sunna ou des paroles des salafs. Et là, ils viennent avec la philosophie commencer à vouloir débattre avec toi. Hein? Surtout, j'ai remarqué beaucoup de peuples qui ont été affligé par la mentalité des Français, hein, la philosophie française, les philosophes français. Ils ont cette maladie-là. Ils veulent philosopher avec la religion, essayer d'argumenter tout. Tu leur mentionnes un verset, ils veulent philosopher avec. Tu leur mentionnes un hadith authentique, ils veulent philosopher avec. Et au lieu d'accepter et de se soumettre, ils commencent à débattre avec toi. Comme si la religion était un sujet de débat. Hein? Et ça, c'est la porte de l'égarement. Et les salafs, ils ont mis en garde contre ça. Hein? Et c'est pour ça, donc, Allah Azza wa Jalla dit, « Balhum qawmun khasimun ». Donc, le cheikh, il dit, c'est connu que Isa, fils de Marie, et les hommes pieux, ils n'entrent pas en enfer. Hein? Et il dit, parce que Allah Azza wa Jalla se charge de les faire rentrer au paradis. Et les mouchrikoun savent ça. Mais ils utilisent ça comme un argument alors qu'ils savent. Hein, juste pour faire des shubuhat. Juste pour essayer de débattre dans le faux. Et de supporter le faux. Et c'est connu que, comme par exemple, Allah Azza wa Jal, quand il dit « Alam a'had ilaykum ya bani Adam, an la ta'budu shaytan » Innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. dans sourate Yassine. Allah Azza wa Jalla dit, n'avais-je pas pris l'engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'adoriez, que vous n'alliez pas adorer le shaitan, hein, et qu'il est pour vous un ennemi déclaré, un ennemi évident et clair. Et plutôt, vous devez m'adorer moi. Voilà le droit chemin. Et donc, les ulama, ils ont expliqué que les prophètes et les messagers qui sont adorés par les mushrikines, eux, les prophètes et les messagers ne vont pas être en enfer. Parce que ce n'est pas eux qui ont ordonné aux gens de les adorer, mais c'est le shaitan. Et c'est pour ça que, en réalité, c'est le shaitan qui va être châtié à leur place. D'accord? Les prophètes et les messagers et les hommes pieux, c'est le shaitan qui va être châtié à leur place en enfer. Et non pas les prophètes et les messagers. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de se faire adorer par les créatures. Ceux qui ont été satisfaits de se faire adorer par les créatures, ceux-là, oui, ils vont être en enfer avec ceux qui les ont adorés. Ceux qui ont appelé les gens à les adorer en dehors d'Allah et qui ont été satisfaits de se faire adorer par les créatures, eux vont aller en enfer avec ceux qui les adoraient. Mais ceux qui, n'ont pas été satisfaits de ça et qui ont interdit ça, et que les gens, malgré eux, l'ont fait, eux, ils ne seront pas châtiés pour ça. Et donc, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, yani, il les réfute de cette façon, en clarifiant que eux, ils ont été prédestinés au paradis, donc, par conséquent, ils ont fait les causes pour y aller, et ils vont être donc éloignés de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, il dit donc, مَا ضَرَبُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. Ils veulent juste débattre, ils veulent juste argumenter. Et donc c'est ça, Uzair et Isa et tous les hommes pieux qui ont été adorés en dehors d'Allah, ceux-là, ils ne vont pas aller en enfer, ils sont exclus ou ils sont des exceptions par rapport à ce qui est mentionné dans ce verset au sujet des mushrikines et de ceux qu'ils ont adorés en dehors d'Allah. Donc le point qu'on veut tirer de ce verset-là qui a rapport avec le qada wa al-qadar, c'est le verset « Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ». Sabaqat, ça veut dire yani, qu'est-ce qui a précédé, hein? Donc ceux pour qui, de notre part, la récompense du paradis a été décrétée de façon c'est-à-dire précédemment, c'est-à-dire et c'était écrit qu'ils doivent aller au paradis. Ça, il y a dans ça l'affirmation du décret divin et de la prédestination. Ça, c'est ce qui est donc au sujet de ce premier verset. Il nous reste encore des explications par rapport aux autres versets. Il ne reste pas beaucoup, donc si vous voulez, on peut le finir. Ça va prendre quelques minutes et puis on aura complété l'introduction de ce chapitre. Ensuite, au prochain cours, on pourra commencer l'explication des hadiths. Donc, le cheikh, il explique maintenant l'autre verset. Il dit, قوله تعالى وما أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذه الآية متضمنة إثبات القضاء والقدر. فقوله تعالى أمر الله أي الأمر الكوني على اعتبار أن أمر الله قسمان. الأول الأمر الكوني كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الثاني الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين ونحو ذلك من الأمور التكليفية. هذا الأمر الشرعي. والأمر الكوني لا بد أن يقع. أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. فمن الناس من يمتثل ومنهم من يعصي. وهذا الفرق بين الأمرين. فقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، يراد به الأمر الكوني القدري، بمعنى أن كل ما يجري في هذا الكون مقدر. Donc ici le cheikh il dit que Allah Azza wa Jal il mentionne dans le verset 38 dans sourate Al-Ahzab, et certes l'ordre d'Allah est prédestiné et mesuré. Et le cheikh il explique ici que l'ordre d'Allah ici qui est mentionné, ça implique le décret divin et la prédestination. Parce que il y a deux types d'ordre d'Allah. Il y a l'ordre d'Allah qu'on appelle kawni, et il y a l'ordre d'Allah qu'on appelle shar'i. De la même manière qu'il y a une irada, une volonté, on dit irada kawniya, et une irada qu'on appelle irada shar'iya. C'est quoi la différence entre les deux? Al-amrul kawni, c'est l'ordre d'Allah dans la création et dans la prédestination. Et l'ordre qui est shar'i, c'est l'ordre qu'on connaît par la révélation d'Allah. Ce que Allah a révélé dans le Coran ou par l'intermédiaire de la révélation au prophète dans sa sunna. Ça, c'est l'ordre révélé. Hein? L'ordre dans la révélation. Comme par exemple, l'ordre de faire la salat ou de donner la zakat ou d'obéir aux parents et ainsi de suite. D'accord? Et l'ordre dans la création, c'est comme l'exemple de ce que Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, surat Yassin, le verset 82. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, c'est uniquement lorsqu'il dit à quelque chose soit, elle est. Donc ça, c'est l'ordre d'Allah dans la création et dans la prédestination. C'est quoi la différence entre ces deux types d'ordre? Eh bien, l'ordre dans la création et dans la prédestination, il doit se produire absolument. Et ça peut être quelque chose que Allah aime, comme ça peut être quelque chose que Allah n'aime pas. Mais il l'ordonne par sa sagesse, parce qu'il a un bien derrière. Hein? Il dit, tandis que l'ordre dans la révélation, c'est l'ordre religieux, qui est connu par l'intermédiaire de la révélation. Et cet ordre, il est possible qu'il se produise comme il est possible qu'il ne se produise pas, contrairement à l'ordre dans la création. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a parmi les hommes, il y en a qui respectent les ordres d'Allah dans la révélation, et il y en a qui désobéissent aux ordres dans la révélation. D'accord? Tandis que l'ordre dans la création, c'est ce que Allah a prédestiné. Personne ne peut contredire ça. Hein? Et c'est ce que signifie le verset, donc, « وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا » C'est l'ordre dans la création qui est désigné ici. Hein? C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans la prédestination, c'est prédestiné et créé selon sa mesure. L'autre verset, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ أي, خَلَقَ مَا تَعْمَلُونَ وَهَذِهِ لَا يَفِيهَا أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم هي فعل الخلق ولكنها خلق الخالق. فيجتمع فيها الأمران أنها خلق الله وأنها فعل العبد. وفي الآية رد على المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر وينفون أن العبد إنما يفعل باختياره المطلق. يقولون إن العبد إنما يفعل باختياره المطلق الذي ليس لله فيه أي قضاء وقدر. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il mentionne dans le verset 96 dans sourate As-Saffat 96 dans As-Saffat il dit Allah vous a créé, il dit ce qui signifie Allah vous a créé et ce que vous faites, il vous a créé vous et ce que vous faites. Et le cheikh, il explique que ça implique donc que ce que nous faisons a été créé par Allah. Ça fait partie de la création d'Allah. Et il dit donc que ça, c'est la preuve que les actions des serviteurs, les actions des créatures, hein, c'est Allah qui les a créées. Oui, l'acte qu'on fait, c'est notre action. C'est l'action des créatures. Mais c'est Allah qui l'a créé. C'est quoi la différence? Ou c'est comment on distingue entre ces deux choses-là? C'est comme par exemple, lorsqu'on mange, hein, c'est nous qui mangeons. Hein? C'est nous qui mangeons, c'est pas Allah qui mange. Allah Azza wa Jal, il dit, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Hein? Il est, c'est lui qui vous nourrit et il n'est pas nourri. Hein? Et ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il a créé l'action de manger, mais il ne mange pas. D'accord? Il crée l'action, mais il ne fait pas lui-même l'action. C'est l'être humain qui fait l'action. D'accord? Donc nous, on mange, mais qui a créé l'action de manger? C'est Allah Azza wa Jal. C'est pas juste par rapport à la nourriture. Je donne exemple de la nourriture pour donner, pour nous aider à comprendre le sujet. Mais par exemple, tous les actes qu'on fait, hein, que ce soit par exemple frapper ou monter ou se lever, descendre, courir, hein, sauter, tout ça, c'est Allah qui l'a créé. Nous, on fait l'action, mais c'est Allah qui crée l'action. Mais il y a une différence entre le fait de dire que Allah crée l'action et le fait de dire que Allah fait l'action. Tu comprends? Allah, c'est pas lui qui fait cette action-là, c'est nous qui faisons ces actions-là. Et Allah a créé l'action, d'accord? D'accord. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on veut faire comprendre ici. Et le cheikh, il dit donc que il y a deux choses qui sont réunies. Le fait que Allah a créé l'action et que le fait que ce soit l'action des créatures, des êtres humains. C'est nos actions à nous. On n'attribue pas l'action à Allah. On attribue l'action à nous-mêmes. D'accord? Tandis qu'on dit que c'est Allah qui l'a créé. Et ça, c'est une réfutation des Mu'tazila, les Qadariya, qui nient le décret divin et la prédestination, et qui disent que l'être humain, il a un choix absolu et une liberté absolue dans tout ce qu'il fait, et que c'est lui-même qui crée ses actions, et non Allah. Hein? Donc, il ne croit pas en le décret et la prédestination. L'autre verset, يعني, وقوله تعالى, إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني, ça, c'est le dernier verset que le cheikh a expliqué, c'est-à-dire le verset 49 dans Surat Al-Qamar, qui signifie, ou qui dit, يعني, chaque chose, nous l'avons créée selon une mesure, et selon la prédestination. Il dit وفي هذه الآية أيضا إثبات للقضاء والقدر وفي كل المخلوقات إذ كل المخلوقات من خير أو شر إنما يقع بقدر الله سبحانه وتعالى ففي الآية أمران الأول أن ما يحدث في هذا الكون إنما هو خلق الله سبحانه وتعالى والثاني أن كل ما يحدث إنما هو بقدر الله جل وعلا وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث الباب الذي فيه إن الله قدر مقادير الخلائق فهذا فيه إثبات أن الله قدر مقادير الخلائق وأن التقدير سابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فهذا فيه إثبات أسبقية القضاء والقدر على حدوث الأشياء وأنها مقدرة قبل وقوعها. Donc ça c'est ce qui conclut l'explication. Le cheikh il explique que le verset 49 dans Surat Al-Qamar, c'est un verset qui affirme la prédestination et le décret divin, puisque toutes les créatures, toutes les créations, que ce soit des créations qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, eh bien, elles ne se produisent que par la prédestination d'Allah. Et il y a donc dans ça deux choses. La première, c'est que tout ce qui arrive dans la création, c'est uniquement de la création d'Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Donc, c'est tout ce qui arrive, c'est créé par Allah. Et deuxièmement, tout ce qui arrive ça ne se produit que par ce que Allah a prédestiné et selon ce que Allah a prédestiné. D'accord? Et ensuite, le hadith qui est mentionné dans le chapitre au début, c'est le hadith qui mentionne que Allah Azzawajal a créé et a prédestiné la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre et que son trône était sur l'eau. Il y a dans ça l'affirmation de la précédence du décret divin sur la création des choses et des créatures. Et que toutes choses étaient prédestinées avant qu'elles existent et avant qu'elles se produisent. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec ça et on continue dans ce chapitre avec le premier hadith au prochain cours, Inch'Allah, vendredi prochain, bi'iznillah. Et le titre de ce prochain hadith ou de ce chapitre, c'est عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل. C'est-à-dire l'interdiction de se reposer uniquement sur le décret divin et la prédestination et de délaisser les œuvres. Donc à ce sujet-là, il y a plusieurs hadiths et on va les expliquer inshallah dans les cours qui suivent. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.